lorsque j'ai quitté Masquo, mon bout de ferme, dans un comté proche de Clermont-Ferrand. Le shérif venait de faire construire la sienne pour y loger l'adjoint et sa maman. Sing along, Bob. Sing along to my man. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan. Place de l'Opéra, un flic du genre texan m'a dit tout en essuyant ses rébans. Mon gars, tu n'es pas d'ici, reprends ta selle, sinon je te fous, fissa. En cabane, sing along, Bob. Sing along, c'est mon man. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan. J'avais rendez-vous avec mon pote le Kid dans un salon perdu du vieux Pigalle. Le Kid m'a dit, mène ici, y a pas d'emploi si t'es pas partant pour nu intégrale. Sing along, Bob. Sing along, c'est mon man. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan. Jusqu'aux prairies de l'or noir de Longchamp. Mais je n'aurais pas cru que je finirais ma vie portier dans un hôtel pour hommes blancs. Sing along, Bob. Sing along, c'est mon man. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan. Ooh, sing along, Bob. Sing along, c'est mon man. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan.